voulais t'offrir un cadeau, j'avais pas le budget. Parce que le sourire d'un ami, ben ça coûte cher. Si les diamants sont éternels, pourquoi tu pars, nos vies valent 10 fois moins que la tienne. L'essentiel, c'est que les héritiers me kiffent. Et traînez pas parce que le sang épaissit vite. Ceux qu'on trahit, leurs meilleurs potes méritent des gifles. Y'a rien d'insurmontable, muraille de Chine. On s'est promis, on s'est promis, on s'est promis qu'on irait. On s'est promis, on s'est promis, on s'est promis qu'on irait. Là où personne veut aller, on combat tous les deux contre vents et marées. Même si ça te fait pas rire, nous ça nous faisait marrer. On fait la paire comme Kevin et Riyad Mahrez. Et quand je disais Smith, tu disais Wesson. Je te demandais si ça va, toi tu me répondais WhatsApp. On n'a pas le même sang, traverse le même sort. J'irrigane d'essence, dans mon cœur c'est le désordre. T'allais partir trop vite, dans mon cœur c'est le désert. On n'a pas la même vie, mais on a les mêmes rêves. Hey yo poto, ressens ces mots, t'étais toujours là pour moi. Si je pars en bafouillage, je peux jurer ça la fout mal. Je voulais inverser les rôles, être un mec bien pour voir. Noyer sa peine comme un soulard, ouais des fois ça soulage. La rue nous a forgés. Tellement différent à vrai dire, c'est peut-être ça qui nous a le plus rapprochés. Des fois je te zappais, t'étais dans les études. J'ai raté tes appels, jamais oublié le pécule. On s'est promis, on s'est promis, on s'est promis, oh, oh. On s'est promis, on s'est promis, on s'est promis, oh, oh. On s'est promis d'être toujours là l'un pour l'autre. J'ai pas la force d'écrire ton nom sur un polo. Y'a pas une go qui pourrait nous séparer. C'est carré, refrain. Parce que ta madre et la mienne, c'est pareil. Dis à ceux que j'aime qu'ils vont me manquer. Mais ils me connaissent, je suis entêté, toujours entier. Fini le stress, la vie de quartier mouvementée. Déjà plus jeune, être séparé. Y'avait que ça qui nous hantait, oh mais. Pas de ceux qui galèrent pour le style. Je comptais pas sur la courte paille. Un marathon colossal, mais peu le savent, Masta. Tu m'accompagnes pour ce dernier tour de stade. On s'est promis, on s'est promis, on s'est promis, oh. On s'est promis, on s'est promis, on s'est promis, oh. Je pourrais pas dire pourquoi, mais mon air c'est ton air. Je pourrais mourir pour toi, je pourrais livrer mon cœur. Je pourrais pas dire pourquoi, mais mon air c'est ton air. Je pourrais mourir pour toi, je pourrais donner mon cœur.